Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Lévis. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Lévis pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Lévis, un médecin en quelques minutes. La division d'Emmanuel Suarez. Réalisation Sophie Haute-Picon. Cinquième épisode. Alors qu'elle avait renoncé à ses recherches, Claire, ma mère, est finalement repartie sur les traces de Bertrand de Mongeau et de la division Charlemagne. Qu'est-ce qu'il a décidé ? Les confessions de Thérèse sur les crimes supposés de son frère jumeau ? La surveillance dont elle fait l'objet et qui aiguise encore plus son désir de vérité ou ma présence rassurante en son sein qui lui donne le courage nécessaire? C'est en Estonie que la conduisent désormais ses recherches et elle y dispose d'un nouvel allié, le jeune assistant consulaire de l'ambassade de France, François de Rincy. L'Estonie, discrète pierre angulaire entre les Europes du Nord et de l'Est, ni slave ni scandinave, l'endroit idéal pour se faire oublier. Voici ma mère qui descend à nouveau d'un train, avec les mêmes hommes assez basques que la dernière fois, foulant le quai d'une gare qu'elle ne connaît pas. Madame Pralin ! Madame Pralin ! Bonjour, monsieur de Rincy. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Bienvenue à Tallinn. Donnez-moi votre valise. Ça a été le voyage pas trop long ? 3 jours. Ah oui, quand même. Ça rend le dépaysement progressif. Ça va. C'est moins dépaysant que la Lituanie ou le fin fond de la Pologne. Vous ferez des heureux si vous dites ça aux Estoniens. Le pays met toute son énergie à se distinguer de ses voisins slaves et ça marche plutôt bien. Même si, pour le moment, ils ont surtout repeint la façade. Au-delà des remparts flambant neufs de la vieille ville, on se croit assez vite dans n'importe quelle cité dortoir soviétique. On y va ? Vous devez être fatigué. Je vais vous déposer à la résidence de l'ambassade, c'est tout près. Vous ne voulez pas prendre un verre avant ? Ah, pourquoi pas ? Avec une... Avec une historienne ? Je m'inquiète pas. Ça nous arrive de hurler une ou deux dates au moment de l'orgasme, mais à part ça, rien de... Oh, rien de grave. Je me rends compte que ça arrive. J'adore les quiz. Bien sûr. Ça va, ça te... Quoi ? Non ? Non, mais ne vous inquiétez pas, monsieur le consul. Le globule ne peut rien sentir. Vice-consul. Oui, vice-consul. Je ne voudrais pas donner tort à ma mère, mais je crois que cette nuit-là, le globule a senti. Je ne vois pas comment j'aurais pu passer à côté des signaux que le corps de Claire lui envoya. De la joie particulière qui distingua cette nuit d'amour de toutes les autres. Mais la paix qui s'était enfin installée dans son esprit en s'endormant ne dura pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Ah, c'est l'enfant ? Non, c'est rien. Désolée. Non, puis t'inquiète pas pour l'enfant, il va rester encore au chaud quelques semaines. Non, j'ai dû faire un cauchemar. Je rêvais des lettres de Mongeau, celle sur Berlin. Et puis j'ai ouvert les yeux et je sais pas, j'ai cru voir une ombre passer sur le plafond. Mais regarde, ça revient là. Mais qu'est-ce que c'est que ce soldat ? Bah, c'est le gendarme de service. Il fait sa ronde toutes les heures dans le parc de l'ambassade. Tu les as sur toi, les lettres ? Je pourrais en lire une ou deux. C'est pas l'idéal si tu veux dormir tranquille. Tu sais, je suis du genre à regarder des films d'horreur avant d'aller me coucher, donc... Ah tiens. Et celle-là. C'est une lettre d'amour. Ah. Je vais trouver un endroit loteux où je pourrai enfin m'asseoir. Un bout de champ, une clairière, et je me mêlerai à l'herbe. Je me fondrai dans la terre et je penserai à toi. C'est tout ce que je suis capable de faire demain et jusqu'à mon dernier jour. Devenir un végétal et penser à toi. Feuilles qui tressaillaient à la pointe des branches, nids dont le vent au loin sème les plumes blanches, clairières, vallons verts, déserts sombres et doux, vous savez que je suis calme et pur comme vous. Victor Hugo, évidemment. Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai! Je vais pas mourir de peur à chaque passage du gendarme! Tu veux que je ferme les rideaux? Non, ça va. Je suis un peu à cran. Tu dois me prendre pour une folle. Pas plus qu'à ton premier coup de fil. Je suis vraiment désolée de t'avoir sauté dessus hier comme ça. J'ai connu pire. Ah bon? Oh, mais c'était plus fort que moi. Merci les hormones. Non, déjà que je suis pas particulièrement réfléchie, mais là, j'ai l'impression de plus rien contrôler. Ça te bouleverse? La grossesse? Non, cette recherche. Ouais, je crois, ouais. Le plus troublant, c'est de pas savoir pourquoi je continue. Ce que j'espère trouver au bout du compte. Plus j'avance, plus je doute. Ce type qui a choisi d'entrer dans la milice à 16 ans, de partir en Allemagne défendre Hitler à 18... Ok, c'est monstrueux. Mais ce qu'il a traversé en Poméranie ou à Berlin... C'est plus rassurant de ressentir de l'empathie pour un juste ou un martyr de la résistance. Je peux pas m'empêcher de chercher une raison extérieure à sa décision. Un déterminisme social ou historique. Quelque chose qui minimise la gravité de son geste. C'est ton rôle de chercher à comprendre, non? J'aimerais pouvoir conclure Pétain est coupable, les accords de Munich, le traité de Versailles, le pape est coupable... Même moi, qui étudie cette période depuis 10 ans, je continue à lutter contre ce confort du noir et blanc, les bons et les mauvais, les gentils démocrates contre les horribles fascistes. Mais plus je m'y plonge, moins je me sens capable de faire apparaître la vérité. Un peu de lumière, c'est déjà pas mal. Ouais, t'as raison. Si de mon jeu parle, ça fera peut-être sortir du bois ses petits copains. Et qui sait... On pourrait même débuter un vrai travail de mémoire sur la collaboration. En parlant de lumière, il faudrait que je m'habille. Oh, attends. Regarde, mes collègues débarquent. T'as déjà observé des diplomates vus du ciel ? Putain, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il fout ici ? Il m'a suivi ? De quoi tu parles? Le blond avec sa sacoche. Il bosse pour ceux qui m'emmerdent depuis le début. Sylvain Frémont, le conseiller à la défense? Non, tu le connais? Il est détaché pour toute la zone. Il bosse ici 2 jours par mois. Mais on l'attendait pas aujourd'hui, c'est vrai. Tu penses qu'il te reconnaîtra s'il te voit? Il a largement eu le temps de m'admirer sous toutes mes coutures. Ah oui. Dans ce cas, reste ici. Je vais réunir les infos que j'ai et organiser notre visite à Bertrand de Mongeau en toute discrétion. Et si c'est pas Bertrand, le vieux dans la cabane? T'auras vu la campagne estonienne. Tu sais, Frémont ne serait pas là si c'était pas lui. Bonjour, bienvenue chez Parisol, Carla Gélino. Nos magasins sont actuellement fermés, merci de rappeler ultérieurement. Ce répondeur ne prend pas de message. C'est Caroline. Bon, pas de trace de la cible Ataline, mais je sens qu'elle est dans le coin. Je n'ai toujours pas formellement identifié son contact à l'ambassade, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Je pense que c'est le vice-consul François de Rincy. D'autant qu'il a passé pas mal de coups de fil dans la région de Tartu, à la frontière russe, ces derniers jours. Il vient également de prendre 2 jours de congé avec l'usage de sa voiture de fonction à partir de demain. Je le file à la trace et je vous préviens si j'ai besoin d'une équipe, par le canal de Vilnius. Ce serait pas inutile de voir ce qu'on a sur lui. De Rincy, François, 29 ans, cadre d'Orient, 1990. Il a été en poste à Budapest après son stage au quai. C'était Caroline. L'île de Pirissar, c'est l'endroit idéal pour disparaître de la carte. Il est malin, de Monjo. Très malin. Pendant 40 ans, c'était une zone qui n'intéressait personne. Alors, il s'y serait installé en 1957 sous le nom de Pavel Ziak, en se faisant passer pour un Polonais. Mais il communique en russe. Les habitants l'ont vite appelé Pacha, et maintenant, le vieux Pacha. De quoi il vit ? Ben, comme tout le monde à Pirissar. Il cultive des oignons. Toutes les semaines, ils vont les vendre à une coopérative à Tartu. Mais Pacha ne quitte jamais l'île. Et pour le reste, c'est une agriculture de subsistance. Il va à la pêche, il distille sa gnôle. Il a une famille ? Ni femme ni enfant. C'est quand même étrange que personne ne lui demandait de compte jusqu'à maintenant. Pas tant que ça. Ici, c'est vraiment le cœur de l'Estonie. Rien n'a changé depuis les moines soldats. Du moment que tu fais pas de bruit et que tu déranges personne, on t'accepte. Mais alors, qu'est-ce qui vous a mis sur sa piste au consulat ? Victor Hugo. Victor Hugo ? Une de nos missions au service consulaire, c'est de nous occuper des ressortissants français sur le territoire. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, le pays venait à peine de quitter l'Union soviétique et on a dû répertorier les éventuels nationaux. En général, la plupart viennent s'enregistrer d'eux-mêmes, mais on essaie d'être attentif à tous les signes. Et un jour, le nouveau service de livraison internationale de la poste estonienne nous a contactés. Ils mettaient de l'ordre dans leur stock et avaient trouvé plein de paquets abandonnés par leurs prédécesseurs. Et parmi ces colis, plusieurs dizaines d'enveloppes avec des livres en français. Que du Victor Hugo. Adressé à De Monjo. Non. Adressé à Pavel Ziak. Oui. C'est une sorte d'abonnement. Tous les 2 ou 3 mois, sous la forme de petits fascicules, des éditions anciennes. Les Misérables en 30 volumes, tu vois le genre. Il se les faisait livrer par qui ? Un bouquiniste à Bruxelles. Évidemment, ça m'a intrigué, mais j'ai eu envie de le laisser tranquille. Je lui ai fait parvenir les bouquins, mais j'ai pas vraiment donné suite. Pourquoi ? On n'a pas envie d'emmerder quelqu'un qui lit Victor Hugo. Je me suis dit que s'il voulait pas se signaler comme français, c'est qu'il avait une bonne raison. T'avais vu juste ? Je pouvais pas savoir. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces arbres. La dernière fois que j'ai traversé une forêt comme ça, c'était pour rencontrer Thérèse de Monjo dans sa cabane. Quand on est un enfant des bois, on le reste. On y sera dans combien de temps ? Ça dépend si on prend le chemin officiel ou la voie d'urgence. La voie d'urgence ? On est suivi, Claire. Je m'y attendais un peu, donc j'ai préparé une alternative. Suivi ? Depuis quand ? Depuis Tallinn. Il se relaie. 3 ou 4 voitures au moins. Tiens, tu vois la dalle blanche derrière ? Oui. Mais on fait quoi maintenant ? On peut pas accoster De Monjo avec ces mecs au cul. A priori, ils savent pas où on va. On peut essayer de les semer. Ferme ta fenêtre. Oh là là, mais fais gaffe dans les virages ! T'inquiète, je sais ce que je fais. Je vois. Et t'as l'air d'aimer. Merde ! Il y a de la ressource en taco. Tu peux regarder la carte. On a quoi comme possibilité vers le lac ? Il n'y a qu'une route pour aller au débarcadère. C'est la 280 et puis la 295. On ne peut pas leur échapper. Tu vois une bifurcation vers l'est bientôt ? C'est la 250 vers Varnia. C'est bientôt là. Super. T'as besoin de combien de temps avec le vieux avant que les autres ne débarquent ? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il fallait continuer tout droit pour prendre le bateau. Ils nous suivent encore ? Oui. Tu peux m'expliquer ce qu'on fait, là ? Plan B, on gagne du temps. J'ai fait planquer une barque dans les marécages à quelques kilomètres d'ici. Quand on sera sur le lac, ils comprendront où on va, mais ils seront obligés de faire tout le tour par le sud pour choper le bac. On y sera au moins 1 heure avant eux. C'est pour ça que tu t'accélères encore ? Il va falloir un peu courir. Désolé pour le globule. Le plan de François fonctionna comme prévu. Pendant la traversée, une quinzaine de minutes sur une petite barque à moteur, personne ne parla. Ma mère, je crois, était trop absorbée par les eaux du lac, les rides de surface qui faisaient le vent, les cercles concentriques autour des bulles d'air créées par les poissons. Son esprit aussi s'enroulait autour de toutes les bulles d'air qu'elle avait libérées depuis le début de ses recherches. La division Charlemagne, les secrets de la ferme dans le Morvan, les violences subies par les femmes pendant la libération, Philippe de Marsanche, enfin, dont elle sentait étrangement la présence. La maison de Pacha était à quelques centaines de mètres de la rive. Une belle maison en bois rouge avec un toit blanc qui semblait dormir au milieu des bouleaux. Vous allez reconnaître, hein ? C'est le décor de notre dernière scène, celle par laquelle on avait commencé. Il vaut peut-être mieux que je l'aborde en russe. On ne sait pas comment il peut réagir. Pour lui dire quoi ? Qu'on lui livre un chapitre inédit de Notre-Dame de Paris ? Mais non, on lui parle en français. On a peu de temps et il faut tout de suite vérifier que c'est bien de Mongeau. Et puis moi, je veux comprendre ce que vous vous dites. Tu me fais pas confiance ? J'aime pas les langues étrangères. Abel ! Pacha ! Vivier ! Tout est ouvert, il doit pas être bien loin. Il est pas bien loin, tu l'as dit. Et il veut pas vous voir. Il veut voir personne qui lui cherche des ennuis. Alors vous allez repartir d'où vous venez et plus jamais remettre les pieds sur mon île. Vous êtes bien Bertrand de Mongeau ? Tu m'as pas compris ? Dégage tout de suite. C'est pas parce que t'es en clope que ça va m'empêcher de tirer, crois pas ça. Monsieur de Mongeau, Pacha, baissez ce fusil. Nous ne sommes pas venus pour vous créer des problèmes, au contraire. Mademoiselle Pralin a des... Ta gueule, le flic. Mais non, je suis pas policier. C'était quoi, alors ? Les services secrets ? Mais non ! Les impôts ? Mais pas du tout. Le gouvernement français avec tous ses cocos ? Mais c'est pareil, tout ça. Allez, dégagez ! Ça fait 40 ans que je vis tranquille ici. J'emmerde personne. J'ai jamais emmerdé personne. Alors dégagez ! Je crois qu'on ferait mieux non, attends, attends. Je suis une amie de Lotte. Lotte Brulot. Je viens de la part de Lotte. Lotte ? Lotte. Lotte. Lotte. Lotte. Oh, Lotte. Tous les soirs, je me répète ton nom comme on invoque son Dieu. Et tous les soirs, il m'apaise. Je ferme les paupières et je supplie ma mémoire de faire apparaître tes yeux verts. J'entends ta voix si belle que je ne comprends pas, sauf quand elle dit « Bertrand ». Bertrand. Et je souris. Je suis une amie de Lotte. Tu te souviens d'elle, Philippe ? Lotte Brulot. Tu me disais qu'on allait bien ensemble. Que je devrais la ramener en France après la victoire. Tu te moquais de moi, gentiment. Enfin, je crois que c'était gentil. Je suis une amie de Lotte, Lotte Brulot. Lotte. Lotte. Je viens de la part de Lotte. Ton nom qui disparaît à mesure que je m'éloigne et que j'imagine les horreurs qui peuvent arriver. Monsieur de Mongeau. Je le répète dans les ruines. Vous êtes bien Bertrand de Mongeau ? Je le répète sur les cendres. Mes ruines. Les cendres. Lotte. Bertrand. Monsieur de Mongeau, vous voulez encore un verre d'eau ? Non, merci, ça va. Comment va Lotte ? Vous avez une photo ? Non, je suis désolée. Mais c'est toujours une femme admirable. J'ai vu des trucs là-bas, vous savez. J'en ai vu... Et j'en ai fait aussi. Et puis avec le temps, j'ai commencé à oublier. Une par une, les horreurs sont devenues floues et puis... Putain. Mais Lotte, je l'ai gardée bien nette. Bien vive, là, juste derrière les yeux. Avec quelqu'un d'autre. Le reste, tête, ça s'effiloche tranquille. Croyez-moi, c'est pas toujours mal de devenir vieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ces cognes? Oh! Vous allez m'expliquer? Non, Bertrand. Monsieur de Mongeau, bonjour. Je suis désolé de m'inviter chez vous sans prévenir, mais c'était assez urgent. Qui c'est ce guignol? Je croyais que vous étiez seul. Calmez-vous, Bertrand. Ce type est dangereux. Il nous a suivis jusqu'ici. Ne l'écoutez pas, de Mongeau. Et ne croyez surtout pas que c'est votre ami. Vous avez pris du poids depuis Berlin, Pralin. Mais sinon, vous n'avez pas changé. Prête à tout pour avoir votre scoop. Quel scoop? Vous êtes une journaliste? Vous êtes une fouille merde, c'est ça? Mademoiselle Pralin vendrait son âme pour les aveux d'un vétéran de la division Charlemagne. Vous n'êtes que ça à ses yeux, même si c'était il y a 50 ans. Vous allez l'aider à écrire son best-seller de Mongeau? Je vais tirer. Je vous préviens, je vais tirer. Bertrand, écoutez-moi. Vous allez poser ce fusil. Vous allez le poser sur la table et je pourrai tout vous expliquer. Vous allez rien m'expliquer, la fouille merde. Vous m'avez trompé. Vous vous êtes servi de Lotte pour m'entourlouper. Bertrand. Nous avons de bonnes raisons de penser que cet homme est ici pour vous tuer. Faites-nous confiance. Je vous garantis une protection complète de la part de nos services. Oh, le consul, maintenant. Consul? Vous êtes consul? Mais c'est quoi, cette arnaque? Suivez-le, et c'est sûr, vous allez être protégé par ses services, jusqu'à la santé ou à Fleury-Mérogis. Il fallait pas me mentir. Posez cette arme, Bertrand, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je vais marcher jusqu'à vous et prendre ce fusil. François? Suivez-moi, de Mongeau. Vous êtes foutus si vous restez là. Allez, vite! Personne ne va nulle part. Thérèse? Mais qu'est-ce que vous faites là? Pas possible. Elle est encore vivante, celle-là? Et toi alors? Faut croire qu'on est increvable dans la famille. T'as grossi, mon frère. T'as jamais été bien beau, mais maintenant, en plus, t'es gros. Toi, t'es toute pareille que dans mes rêves. Tu rêves de moi? Fais pas ta surprise, la belette. T'es venu te venger? Hein? T'es venu venger tes amis juifs et communistes? C'est lesquels, tes copains, là? Le renard ou la fouille de merde avec son consul? Qu'est-ce que tu lui as fait, à celui-là? J'ai une idée pour tous nous sortir de ce pétrin, mais il faut d'abord que votre gorille me lâche. Toi, tu la fermes. C'est qui, le gorille? C'est Julo. C'est mon fils. Mais je croyais que tu voulais pas te reproduire. Te fous pas de moi. T'as pas une petite idée d'à qui il est, ce gamin? Un petit souvenir de la fête de la Saint-Jean, en 44, avant que tu disparaisses avec tes copains nazis? Je l'ai pas touché, moi, la petite Martin. J'ai rien fait ce soir-là. Tu me le jures? Ça fait 50 ans que je veux savoir. Je te le jure, la bête. Je te jure, j'ai rien fait. Eh ben, fallait faire, Bertrand. T'avais le choix, bon sang. On a toujours le choix. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Toi, par exemple. Hein, au fond, je m'en fous de ce que tu penses. Mais j'ai jamais forcé une femme, moi. Jamais. Je te crois pas responsable de toutes les saloperies que tes ordures de copains ont faites. Non, pas toutes. Pendant des années, j'ai voulu me venger. Et venger tous les gens bien qui sont morts à cause de toi et de ta bande de salopards. Mais je sais pas. Ça doit être à cause de Claire. Là, j'ai changé d'idée. Quand tu crois que les choses sont simples, il suffit de causer 5 minutes avec elle et tu te mets à douter. C'est bien, le doute. Ça rend moins con. Tu veux quoi, Thérèse? Ça fait 50 ans que j'attends ce moment, alors crache. À force de vivre dans les bois, on s'est habitué à l'obscurité, mais c'est pas bon. J'ai l'impression que tout le monde vit dans le noir dans notre foutu pays. On veut rien comprendre. On veut pas savoir, on dit « Boss, c'était la guerre !» Et on croit qu'on a tout dit. Elle a raison, la petite. Il faut mettre de la lumière dans tout ça. Même les salauds, il faut qu'ils causent. Tu veux me ramener là-bas pour que je cause? Ce sera bon pour le bouquin de la petite. Ce sera bon pour le pays. Et ce sera bon pour toi. Tu vas pas crever tout seul dans ta cabane sur ton île, quand même. Vous pourriez rencontrer des gens qui étaient de l'autre côté. Des victimes. Mais pardon? C'est ça? Je m'en fous un peu du pardon. Mais la lumière, ça pourrait me faire du bien. Ici, la lumière, elle est spéciale. Très douce, elle rase le ciel, elle traverse les arbres. Elle vient jamais vraiment d'en haut. Alors on va rentrer tranquillement chez nous, et là-bas, tu vas sûrement trinquer, mais bon, faut ce qu'il faut. Lâchez-moi. De mon jour, vous faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous influencer. Moi, je suis seulement venu pour vous donner quelque chose. On m'a confié une lettre pour vous. Toi, je t'aime pas. Je poserai pas mon fusil pour prendre ta lettre si c'est ça ton plan. Je vais la tenir pendant que vous lirez. Vous pouvez me viser avec votre fusil, ça ne me dérange pas. Bertrand, c'est probablement un piège. Ta gueule, je suis pas ton gamin. Tu vas voir si je sais pas tenir une promesse, Philippe. Ne brûlez pas cette lettre, monsieur de Mongeau, je vous en supplie. Trop tard. Bertrand, non, ne fais pas ça! Bertrand de Mongeau fut enterré sur place, sous la lumière oblique de Pirissard qui l'avait tant apaisé. La lettre ayant entièrement brûlé, personne ne connut jamais son contenu. Claire affirme que de là où elle était, elle avait cru reconnaître en filigrane la silhouette dorée du palais du Luxembourg, l'en-tête du Sénat français. Le ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay s'arrangèrent pour que l'affaire reste parfaitement secrète et aucune sanction ne fut prononcée. Rien n'avait existé, encore une fois. La division Charlemagne garderait ses secrets bien enfouis dans les replis honteux de l'histoire de France, jusqu'à ce que le temps permette de venir les défroisser. Claire, ma mère, a trouvé mieux à faire qu'une carrière universitaire. Elle se consacre, comme chercheuse indépendante, aux femmes victimes de viols en période de conflit armé. Elle décide, en fonction de ses dossiers, des pays où son mari doit demander ses affectations. Je parle de François, mais vous l'aviez déjà compris. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je termine mes études à Heidelberg. Histoire, évidemment. Combien de traces ont été laissées en moi par cet étrange voyage in utero ? Comment savoir ? Il y a au moins une chose que je sais. Cette longue série de femmes sans hommes et d'enfants sans père se terminera avec moi. La division d'Emmanuel Suarez. Cinquième épisode. Avec Claire Dumas, Bernadette Le Sachet, François de Brouwer, Bartholomé Boutelis, Alexis Rangard, Clément Morinière, Laurent Houry. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Jefferson Lambey. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon.